nuit. Paris go, gros voyou comme José Anigo. Mec de la night, mode de vie célibat. Les grosses qui te suivent, je pars aux Pays-Bas. Laisse-les dire que je suis mégalo. Je suis balotelli, je m'en bats les calots. Plus connu sur des beats au piano. Je pue le rap et la rue comme le Ralciano. Banlieusard, casino braqué. Animaux traqués. Vidéo Rastaman, plus de taux chez les stars que sur Instagram. Je fais partie de ces gens rares. Si je sors comme Jean Rock, c'est pour faire du genre. DJ Hamida, Paris la capitale. Capitaine comme Eric Abidal. Yeah. On veut faire des billets. Même la vie obligée de prier. Les soucis, les sommes pour oublier. Yeah, yeah, yeah. On veut faire des billets. Même la vie obligée de prier. Les soucis, les sommes pour oublier. Yeah, yeah. J'suis un mec de la night. Je me parfume, t'es la plus belle sous les spotlights. De près, on dirait que t'échappes pas. Liga 1609, ça vient du 13 de Panam. Vient du 13 de Panam. Vient du 13 de Panam. La famille, ce soir c'est moi le prince de la ville. J'ai tout investi dans mes habits. Hermès, Giuseppe Zanotti, vrai mec de la night. J'aime trop la nuit, des fois ça part en fight, des fois ça part en vie. Laissez-moi dans ma matrice, avec ta gauche je m'éclipse. Posé au VIP, jamais tu me verras sur la piste. Et j'ai des étoiles plein les yeux quand je vois le DJ mettre le feu. Wahmida, dis-moi qui peut faire mieux. On est dans le club de partout, ça sent la beuh. Fais-en un, rebeu, fais-en deux. Ta meuf elle est bonne, j'ai la même en mieux. Désolé chérie si tu fais encore la queue. Je vais rentrer les quartiers nord et toute la banlieue. Yeah. On veut faire des billets, même la vie obligée de prier. Les soucis, les sangs pour oublier. Yeah, yeah, yeah. On veut faire des billets, même la vie obligée de prier. Les soucis, les sangs pour oublier. Yeah, yeah. J'suis un mec de la night. Dans tous les clubs, je me pavane. T'es la plus belle sous les spotlights. De près, on dirait que t'échappes pas. Liga 1609, ça vient du 13 de Panam. Vient du 13 de Panam. Sosomanes cynique, laissez donc passer les kings. Clic clic Marseille, les Ulysses, mais qui peut clasher l'équipe. Je veux que tout le monde lève les bras. Ce soir c'est la vida loca. Fonce des à la vodka. On se défend nous-mêmes, on n'a pas d'avocat. Yeah.